On se prend la tête, on se perd de vue. Sur Snap, on se laisse des vues. Les mêmes sentiments qu'au début. On manque quand on dit qu'on s'aime plus. Au checks avec mes vatos, t'es en boîte avec tes copines. Bébé, tu remets la dose, t'es comme ma drogue, ma chloroquine. Arc-en-ciel dans le blue jean, j'suis en full Burberry. Tu me vois pas dans leur soirée, ni dans leur supercherie. J'ai du Jack Miel dans le soda. Meurs pour toi, j'suis ton soldat. Pas loin de la souda, juste faire casser la soda. Oh baby, baby. C'est tout ce qu'on se dit, j'payerai toute ma vie. J'ai pris ton cœur à crédit, me faire chez moi ça réduit. Pour la repu de la résine, ouais. Parce que je sais que dans tes yeux je suis cramé, c'est même pas la peine. Je sais que tu me pardonneras jamais, j'ai causé ta peine. Faudrait que j'habite ton cœur en damier, faire de toi ma reine, faire de toi ma reine, ouais, ouais, ouais. Parce que je sais que dans tes yeux je suis cramé, c'est même pas la peine. Je sais que tu me pardonneras jamais, j'ai causé ta peine. Faudrait que j'habite ton cœur en damier, faire de toi ma reine, faire de toi ma reine, ouais, ouais, ouais, ouais. Descends en plein après-midi, mes colères sonnent palpiter. J'porte le M comme Baby J, j'veux voir la mif s'abriter. J'suis dur comme la pierre, mais ton sourire m'a fait tomber. Pour toi j'peux les plomber, pour toi j'pourrais sombrer. Apprécie le pays. Je veux prendre une pause et prendre le temps. Je veux plus de larmes sur ton beau visage. Je t'ai déjà vu pleurer trop souvent. Oh baby, baby, c'est tout ce qu'on se dit. Je payerai toute ma vie. J'ai pris ton cœur à crédit. Mais vers chez moi ça réduit. Pour la repu de la résine, ouais. Parce que je sais que dans tes yeux je suis cramé, c'est même pas la peine. Je sais que tu me pardonneras jamais, j'ai causé ta peine. Faudrait que j'habite ton cœur en damier, faire de toi ma reine, faire de toi ma reine, ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que je sais que dans tes yeux je suis cramé, c'est même pas la peine. Je sais que tu me pardonneras jamais, j'ai causé ta peine. Faudrait que j'habite ton cœur en damier, faire de toi ma reine, faire de toi ma reine.